Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Nous terminons aujourd'hui les séries d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrées à l'histoire des grandes épopées et nous allons nous intéresser évidemment à celui qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, Homère. Lundi, nous parlions à propos de l'épopée de Gilgamesh, des reprises possibles de certains des thèmes de cette épopée dans l'Iliade et dans l'Odyssée en particulier, avec la figure de Pénélope et la façon dont elle s'était retirée dans ses appartements quand elle a pris le départ de Télémaque. Eh bien, nous allons aujourd'hui nous intéresser justement à Pénélope, à Ulysse et à tous ses compagnons, donc dans l'Iliade et dans l'Odyssée, avec Alexandre Farnoux qui va guider Victor Massé d'Épinay dans l'exposition qui vient tout juste de commencer au Louvre-Lens, consacrée justement à Homère. Dès l'âge le plus tendre, à l'esprit naïf de l'enfant qui fait ses premières études, on donne Homère pour nourrice. C'est tout juste si dès le maillot, on ne fait pas sucer à nos âmes le lait de ses vers. Nous l'avons tout auprès de nous à nos débuts, et pendant les années où l'homme peu à peu se forme. Il s'épanouit durant notre âge mûr. Pas une fois jusqu'à la vieillesse, il ne nous inspire le moindre dégoût. À peine l'avons-nous quitté que de nouveau nous avons soif de lui. On peut dire que son commerce ne prend fin qu'avec la vie. C'est avec cette citation d'Héraclite, non pas Héraclite d'Éphèse, un autre Héraclite du 1er siècle après Jésus-Christ, qu'on entre dans cette exposition Homère au Louvre-Lens avec vous, Alexandre Farnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école d'Athènes et co-commissaire de cette exposition. Je voulais commencer avec cette citation et peut-être avec une autre beaucoup plus courte, qui est celle de Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. Homère, deux points, n'a jamais existé. Mmh. Comment est-ce qu'on fait une exposition sur Homère, cette figure si connue et à la fois si méconnue, jusqu'à ce qu'on en arrive parfois à douter de son existence? Je crois qu'avec ces deux citations, vous avez très bien cadré le projet de l'exposition. Il s'agit d'une part de parler de quelqu'un que tout le monde connaît, ou presque, mais en même temps dont on sait finalement très peu de choses. Et au-delà de ce nom, c'est d'essayer d'explorer qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom, une œuvre, mais un écho et un souvenir que nous partageons encore maintenant. Et c'est ce que nous cherchons à développer dans cette exposition. Il y a le dessin de Troyes. Nous sommes dans le prélude de cette exposition au Louvre-Lens. Je précise que nous sommes en pleine installation, quelques jours avant l'inauguration de cette exposition. Et nous sommes ici au milieu des dieux, d'une part, avec plusieurs figures. Athéna est juste derrière nous. Et en même temps, au milieu de deux œuvres contemporaines, peut-être que vous allez nous les présenter, nous dire pourquoi ce rapprochement et pourquoi nous faire rentrer dans cette exposition comme ça. C'est un parti que nous avons pris pour bien faire comprendre d'emblée, d'une part, que le monde d'Homère est un monde régi par les dieux et la volonté des dieux. Donc c'est pour ça que nous sommes allés chercher des plâtres qui sont de grandeur plus qu'humaine et qui nous dominent. Nous sommes que des jouets entre leurs mains et donc on place le visiteur dans la situation des héros face aux dieux. Mais d'autre part, on a voulu aussi montrer qu'il ne s'agit pas seulement du monde des héros, mais il s'agit d'un monde humain et d'un monde humain contemporain. Et c'est pour ça qu'on a tenu à ce qu'il y ait deux œuvres contemporaines fortes qui soient dès l'entrée et qui rentrent en contraste avec ces statues en plâtre de l'art classique. Une œuvre de Cy Twombly, Achille se lamentant sur le corps de Patrocle, qui est juste derrière nous, qui est une grande œuvre extrêmement forte, une des œuvres qui s'accorde le mieux à cette exposition. Puis une tapisserie des Gobelins,

au moment de l'Empire byzantin, de l'état de la question homérique et de son œuvre, étant entendu que les Byzantins sont ceux qui ont, entre autres, assuré le passage d'un support de l'écriture plus ancien qui est le papyrus que vous avez juste en haut, qui est un grand rouleau de végétal collé sur lequel on écrit en colonne, chaque rouleau étant consacré à un vers et qu'on lisait en le déroulant de la droite vers la gauche. Alors si on se pose ces questions de savoir si tel vers peut être d'Homère et tel autre ne l'est pas, c'est parce que, bien sûr, ça c'est une idée que, assez connue, c'est que l'Iliade et l'Odyssée sont d'abord peut-être des compilations, des transcriptions d'une tradition orale très ancienne, plus ancienne qu'Homère en tout cas. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle, à côté dans cette fabrique de l'œuvre, à côté de la tradition manuscrite, nous évoquons la tradition orale. Nous l'évoquons de deux manières. D'une part, en rappelant que l'Iliade et l'Odyssée, c'est d'abord une récitation, une chanson, c'est une voix. D'abord, c'est la raison pour laquelle on entend dans l'exposition la récitation de l'Iliade et l'Odyssée par Philippe Brunet et son équipe en traduction et en langue originale. Et nous avons voulu évoquer les conditions de récitation dans les banquets ou dans les concours avec ces deux vases qui sont exposés ici. Mais plus important, nous avons voulu évoquer avec les archives de la mission américaine de Milman Paris et d'Albert Lord, qui dans l'entre-deux-guerres sont allés enregistrer les derniers poètes, les derniers bardes de Yougoslavie et de Serbie, qui étaient encore capables de réciter des milliers de vers chantant les hymnes nationaux de l'histoire serbe, qu'ils ont enregistrés, et nous diffusons une série de documentaires d'enregistrements qui ont été faits par les moyens de l'époque, dans ces années 30, et qui a permis à Milman Paris de montrer que dans Homère et dans l'Iliade et l'Odyssée, il y avait une matière orale faite de comparaisons, d'épithètes fixes et de répétitions régulières. L'aurore au doigt de rose. Achille au pied léger, etc. Ce sont des procédés mnémotechniques qui permettent aux poètes, quand ils doivent réciter 10 000 vers, de temps en temps, de se reposer en disant, voilà, là, je vais, de toute façon, l'aurore, elle se lève avec les doigts de rose, et puis Achille, au pied léger, va dire ses paroles ailées. Comme ça, hop, il a un vers qui est tout fait, et il peut penser à autre chose au même moment. Il ne faut pas oublier que la poésie est une poésie, évidemment, qui répond à un mètre, un hexamètre dactylique, avec des longues et des brèves, et un rythme qu'il faut respecter. C'est extrêmement fatigant quand on n'a pas l'habitude. Donc, un des moyens de faciliter le travail, c'est avoir des formules toutes faites, qui vous permet de remplir toutes les unités dont vous avez besoin pour raconter l'histoire. Odeti ui dynamai krasmesa iusa alim opravido mi pilontekos ede pakosa otimin hike to pentos apopto lemoio menonta. Il y a autre chose qui est très intéressant dans cette partie de l'exposition qui est donc consacrée à la fabrique de l'œuvre, l'écriture, l'oralité, et il y a l'apport de l'archéologie qui s'est développée surtout au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, et les archéologues ont cherché les preuves de l'existence du monde homérique, les preuves de l'existence de ces héros, et ont trouvé tout un tas d'objets qui correspondent aux objets décrits par Homère dans l'Iliade et dans l'Odyssée, puisqu'il décrit énormément d'objets, tant de mobilier que de tenues vestimentaires, que d'accessoires. Et là, dans cette longue vitrine qu'on a devant nous, vous présentez un certain nombre d'objets dont on a l'attestation dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. Alors là, ce qu'on a voulu montrer, et on le fait là de manière un peu originale, ça n'avait jamais été tenté, et donc on le réussit grâce à des prêts accordés par l'État grec, qui sont des prêts très importants. On a voulu montrer que si on examine les objets qui sont décrits, comme vous l'avez dit, dans l'épopée, ces objets auxquels Homère fait consacre des vers, on les a retrouvés dans des contextes archéologiques extrêmement différents, dans des époques très différentes, et donc la vitrine est longue parce qu'elle va du XVIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et nous avons voulu, pour chaque époque, donner un objet qui pourraient correspondre à des choses évoquées par Homère. Si on prend par exemple ce casque qui est devant nous, composé de dents de sanglier découpées en lamelles et cousues sur un bonnet de feutre, c'est le casque à dents de sanglier que Ulysse revêt au chant 11 de l'Iliade. Et cet objet, trouvé dans une tombe du 12e siècle avant Jésus-Christ, correspond exactement à la description homérique. Par conséquent, les archéologues qui l'ont trouvé ont considéré que le monde que évoque Homère pour la guerre de Troie, c'est un monde qui doit se situer à l'époque mycénienne, à cause de ce type d'objet. Et donc nous avons assommé tous ces objets pour montrer que l'embêtant, en quelque sorte, c'est que des objets qui correspondent, on en trouve sur un laps de temps très très long. La dernière enceinte, qui est un très beau prêt, fait par l'État grec, qui est une tombe, la tombe des princesses d'Eleuterne, avec un mobilier très riche dont on présente ici une partie, des bijoux en or et une série de vases en bronze et en terre cuite. C'est une tombe dans un cimetière où il y a eu des héros qui ont été brûlés sur un bûcher, avec des armes pliées, des offrandes, exactement comme Patrocle, et puis des femmes enterrées, et certaines de ces femmes, dont ces princesses ici, très riches, elles-mêmes dont on a retrouvé les squelettes en parfait état de santé, donc très bien nourries, appartenant à l'élite, portant des traces de déformation dans les os, qui a fait penser à l'archéologue qui les a trouvées qu'on avait affaire à des princesses qui tissaient, exactement comme Pénélope, Nausicaa et toutes les femmes qu'on voit dans l'Odyssée. Donc ce qui nous a paru intéressant ici, c'était de rassembler, y compris avec ce très beau cratère que le Louvre nous a prêté, qui est présenté pour la première fois au public et qui est un cratère du céramique qui venait sur une tombe où est représentée une exposition d'un mort avec un défilé de chars. L'ensemble de ces objets a pour but de montrer que ce qui est fondamental dans l'Iliade et l'Odyssée, ce n'est pas le témoignage d'une époque donnée qu'il faudrait essayer de retrouver et de situer dans le temps, c'est le témoignage d'une transmission très longue, d'une mémoire qu'on a pieusement, grâce à la poésie orale d'abord, puis ensuite par l'écriture, transmis de génération en génération. Et le miracle, évidemment, c'est que ça a été transmis jusqu'à nous, et c'est ce qui fait qu'on passe dans la deuxième partie de l'exposition, où on étudie justement cette transmission au-delà de ces époques très anciennes. Alors là, on s'approche de tableaux, pour certains très connus, qui évoquent des passages de l'Iliade juste devant nous. Évidemment, pour commencer, la colère d'Achille, puisque c'est le sujet, l'unique sujet presque de l'Iliade, le point de départ. Plusieurs représentations de la colère d'Achille. Celle qui est juste devant nous est assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Alexandre Farnoux ? On y voit Achille fortement retenu par les cheveux en arrière par Athéna, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, donc le traitement des épopées, on l'a voulu faire thématiquement, hein, c'est-à-dire qu'ici on a la section les sentiments humains, un peu plus loin on aura les armes, on aura la guerre, on aura la mort, et puis pour l'Odyssée on a aussi des regroupements thématiques. Dans les sentiments, le premier évidemment, c'est la colère, hein, c'est par lui que tout arrive en quelque sorte, hein, et donc cette colère la plus fameuse, c'est celle d'Achille. Elle a été très représentée à différentes époques, et là on présente un certain nombre de tableaux, hein, qui vont du 18e au 19e et qui représentent emportement d'Achille, hein, qui se voit retirer son butin par Agamemnon et qui est retenu par Athéna, et Achille va se retirer sous sa tente, et c'est parce qu'il va bouder que la guerre va durer aussi longtemps. C'est un tableau, c'est un prix de Rome, hein, de Fournier, la colère d'Achille, qui est présenté ici et qui nous a paru intéressant parce que il est à la fois très académique, il est archéologiquement très inspiré par rapport au tableau du 18e qu'on va de part et d'autre, hein. Il essaye de faire plus couleur locale, et c'est un des aspects de l'exposition que nous développons, hein, c'est de permettre au public de comparer les mises en images autour d'un même thème et de comprendre que chaque époque, toujours inspirée par Homère, a mis en image à sa mode et à son goût un certain nombre de thèmes, en privilégiant certains thèmes ou en privilégiant certaines mises en scène. Et pour aider le visiteur dans cette confrontation entre le monde homérique et les images, un certain nombre de textes seront à disposition à emporter avec des vers d'Homère pour pouvoir lire du Homère en ayant les images sous les yeux. Louis-Édouard Fournier, vous avez le peintre du tableau devant lequel on se trouve. Vous avez dit que c'était un prix de Rome. Au 19e, il s'agissait de sujets imposés et l'Iliade, comme l'Odyssée, étaient évidemment des épopées dans lesquelles on puisait très souvent les sujets. Le 19e, c'est le grand siècle d'Homère pour les Beaux-Arts ? Pas seulement. Justement, on va voir d'autres cas où Homère a été un sujet tout le temps de décoration intérieure, de peinture. On y puisait, vous allez dire que c'est évidemment c'est un homéromane qui parle, mais il y a tout dans Homère. Hein, et par conséquent, on peut à toute époque et sur tout sujet trouver une scène, trouver un épisode qui est dans Homère et du coup le mettre en image. Donc parmi les autres sentiments humains qu'on évoque ici, il y a évidemment les adieux d'Hector et d'Andromaque, hein, qui sont parmi les plus poignants. Et là, pareil, on présente une œuvre d'époque archaïque, une œuvre du 18e et une sculpture de Carpo du 19e, hein, de façon toujours à donner aux visiteurs le sentiment de cette transmission, hein, qui est le phénomène fondamental et central de l'œuvre d'Homère. L'homéromane que vous êtes, donc Alexandre Farnoux, on le voit aussi dans cette exposition, nous montre qu'Homère a été, donc à travers les siècles, considéré comme un exemple de morale aussi. On a toujours puisé à la fois un savoir-vivre avec ses émotions, avec l'art de la guerre, et aussi un savoir-mourir dans l'œuvre d'Homère. C'est aussi ça que nous montre tout ce tableau. Oui, alors ça, cette partie-là, c'est la partie qu'on va voir surtout dans la section Homéromanie, où on essaie de montrer l'un des moteurs fondamentaux de ce désir d'Homère, hein, de ce désir de faire exister Homère et de pratiquer son œuvre. Ce que nous traitons dans ces allées ici, c'est surtout des exemples, un échantillon de ces inspirations et de ces thèmes. Ici, on est dans la section sur les armes, avec évidemment ces grandes scènes, hein, qui sont aussi des prix de Rome, là, celui qui est juste en face de nous, de Regno, où Thétis vient remettre les armes à Achille fabriquées par Héphaïstos, hein, qui est un des grands thèmes. Et là aussi, c'est dans la représentation des armes, il y a évidemment tout un jeu très intéressant, parce qu'Homère est à la fois très précis dans la description des armes, donc quasiment il n'y a pas besoin de trop se poser de questions. Mais malgré tout, les imagiers ont mis à leurs héros les armes de leur temps. Donc, et puis ensuite, au 19e, les armes que les archéologues fournissent à partir de la documentation archéologique. Donc c'est ces variations qu'on essaye d'étudier ici, tout en rappelant que c'est cette inspiration, hein, ces exemples que fournissent l'Iliade et l'Odyssée, que viennent illustrer tous ces tableaux, avec la dernière section ici, qui est consacrée à la mort, hein, les armes, le combat, les duels, la mort. L'Iliade est un poème de la mort, hein, c'est un poème de la force, comme on l'a dit, mais c'est évidemment un poème des victimes de la force. Et donc on rassemble ici quelques-unes des grandes morts, la mort de Sarpédon, et qui sont autant d'occasion, hein, d'évoquer ces figures des morts violents dans la guerre de Troie, avec de quelques-unes des très belles œuvres qui sont présentées ici. Voilà dans la partie maintenant consacrée à l'Odyssée, Alexandre Farnoux, et je voudrais peut-être m'arrêter particulièrement sur une question qui est très importante et centrale dans l'Odyssée, qui est la figure du monstre. Ulysse croise tout un tas de monstres sur lesquels Homère nous donne plus ou moins d'indications, et ici nous sommes entre des sculptures antiques, des tableaux de Chagall, des objets grecs, des à figure noire ou à figure rouge qui représente les sirènes, le cyclope, Charybde et Scylla. Comment est-ce qu'on représente ces monstres ? Pourquoi est-ce que la représentation de ces monstres est un thème qui vous a intéressé dans cette exposition, Alexandre Farnoux ? Parce que donc, pour évoquer ces poèmes, il y a l'Odyssée, on a donc voulu éviter le déroulement chronologique du récit et regrouper autour de thèmes pour que le public comprenne bien un peu ces univers et comment ces univers ont inspiré les imagiers sur des époques extrêmement variées. Pour l'Odyssée, nous traitons de la question des monstres, qui sont en effet omniprésents dans l'Odyssée, beaucoup plus que dans l'Iliade. Nous traitons la question des figures féminines, puisque tout le voyage d'Ulysse consiste à errer entre plusieurs femmes, après laquelle il court, soi qui le retiennent. Et puis, on finit sur Ithaque et les dernières scènes du massacre des prétendants. Donc ça nous permet de montrer, de polariser en quelque sorte ces images autour d'un certain nombre de thèmes. Alors les monstres, c'est un sujet très intéressant parce que Homère répand toute une série de monstres sur la route d'Ulysse pour l'empêcher de rentrer chez lui tranquillement. Et ces monstres sont tous aussi monstrueux les uns que les autres. Et Homère a un talent particulier pour les décrire ou pour ne pas les décrire. Et pour les imaginer, c'était une vraie difficulté. Quand il voulait évoquer Ulysse aux prises avec, par exemple, le Cyclope, bah Homère, il dit pas grand-chose du Cyclope, sauf qu'il a un œil rond. Et donc, une fois qu'on a... Et il a qu'un seul œil rond. Une fois qu'il a dit ça, il s'arrête là. Et c'est très difficile pour les imagiers de représenter un géant avec un seul œil rond. Est-ce qu'il est sur le front? Est-ce que... Et qu'il n'y a pas d'orbite, et donc il faut supprimer les orbites dessous, mais ça fait un peu bizarre. Est-ce que c'est un œil dans une orbite parce qu'il est borgne et que l'autre est aveuglé et n'existe pas? Est-ce qu'il faut mettre l'œil central au milieu des deux orbites? Enfin, c'est un vrai problème. Et donc, les imagiers, suivant les époques, ont trouvé des solutions iconographiques très variables. Et c'est assez intéressant. Donc, on a rassemblé ici quelques-unes des tentatives de représentation. Vous avez vu passer celle des frères Lumière, là, tout de suite, là, où il y avait un seul œil et pas d'orbite. Ici, vous avez un très joli relief qui provient de Glanum, donc de France. Et c'est intéressant parce qu'on est au IIe siècle avant Jésus-Christ et ça montre l'écho d'Homère jusqu'en France, hein, ici, avec cette tête magnifique de Cyclope, de Polyphème, qui a ses deux yeux, enfin, qui a ses deux orbites, hein, qui sont non pourvues de globe, mais l'œil installé sur le front. Et si Homère donne si peu de détails sur le Cyclope, c'est peut-être pour revenir à cette tradition orale que le Cyclope était déjà connu avant et que quand il s'adressait aux gens à qui il racontait l'Odyssée, le Cyclope, tout le monde savait qui c'était, comment il était. Tout à fait. C'est d'ailleurs un des arguments qui a été utilisé dans l'Antiquité pour dire qu'Homère était postérieur à Hésiode, parce que Hésiode est plus explicite sur la description des Cyclopes et par conséquent, Homère n'avait pas besoin d'y revenir. Donc c'est vrai aussi. Mais il est parfois volontairement allusif, parce que dans la poésie, un détail suffit. Les sirènes, il ne nous dit rien d'autre qu'elles ont une voix agréable. Quand vous êtes un imagier, comment rendre une voix agréable par une image? Donc c'est un vrai problème. Et donc suivant les époques, on a fait des oiseaux, on a fait des femmes oiseaux, et puis ensuite les femmes oiseaux, elles sont au 19e devenues des femmes qui chantent, et puis ensuite elles sont devenues pas forcément des femmes qui chantent, mais des femmes qui sont toutes nues et qui présentent leurs appâts aux marins et à Ulysse. Et donc on a une très grande plasticité des monstres grâce à ce caractère très allusif d'Homère. Nous circulons au milieu des travaux de la préparation de cette exposition Homère au Louvre-Lens. Nous approchons de la partie donc centrale consacrée à l'homéromanie. Parce qu'il nous a semblé qu'un des éléments importants du phénomène d'Homère, si on voulait le comprendre, c'était de sortir Homère de son rayonnement littéraire. On comprend très bien qu'un grand auteur, fondateur de l'épopée, est influencé d'autres auteurs comme Victor Hugo, dont on aperçoit le portrait là-bas avec l'Iliade sous le coude, ou est inspiré des peintres. On reste dans un domaine qui est, je dirais, relativement classique, où la littérature prestigieuse vient en quelque sorte nourrir les artistes. Ce qui nous a semblé important ici, c'est de montrer qu'à côté de ce rayonnement littéraire, il y a un magistère d'Homère qui touche des domaines extrêmement différents. Si on commence au début de l'allée, il y a d'abord un magistère d'Homère, un désir d'Homère qu'éprouvent les scientifiques. Le désir d'Homère le plus étonnant, c'est celui des archéologues et des voyageurs qui, dès que c'est possible, dès que le levant est ouvert au voyage et à la recherche de terrain, on envoie des missions pour retrouver Troie et Ilion, pour retrouver Mycène, pour retrouver Ithaque. Et évidemment, c'est pour ça que nous consacrons une vitrine à Schliemann qui est donc un archéologue allemand qui, avec sa fortune personnelle, a fouillé Troie et Issarlik, a fouillé à Mycène, a fouillé à Tirynthe et a mis au jour tout ce qu'il a considéré comme étant des reliques de l'épopée homérique, prouvant que Homère avait dit vrai. Il ne faut pas oublier que quand Schliemann fait ça, on est à une époque où on considérait que la poésie homérique était un tissu de mensonges, de fables qu'on trouvait et qui ne renvoyait à rien de sérieux. Et que donc c'était au milieu du 19e que voilà, Schliemann première moitié, à voilà, première moitié 19e, on n'est pas du tout convaincu de la valeur historique des épopées et il faut attendre quelqu'un comme Schliemann. Schliemann, de ce point de vue-là, quelqu'un de très courageux, il va à l'encontre de l'opinion reçue en disant « Attendez, moi, je vais vous montrer que c'est vrai. » Et l'un des moyens de le montrer, c'était de retrouver Troie. Donc, c'est ce qui est montré dans cette vitrine. De la même manière que, juste à côté, vous avez ici quelques photos encadrées là-bas. C'est des photos de Boissonnat, avec la carte de Victor Bérard juste au-dessus. C'est que, un peu de temps après, le travail de Schliemann, Victor Bérard, avec le photographe suisse Boissonnat, entreprend de refaire la route d'Ulysse à travers la Méditerranée, au début du XXe siècle, avec un bateau où il va positionner l'endroit où sont les sirènes, l'endroit où est le cyclope, l'endroit où sont les lotophages, etc., etc. Et Boissonnat faisait des photos au fur et à mesure des instructions que lui donnait Victor Bérard. C'est ce que nous avons voulu rappeler ici, que ce désir d'Homère a porté dans le fait de le situer dans le temps avec Schliemann et de le situer dans l'espace avec Bérard. Le situer aussi dans Schliemann aussi dans le temps, puisqu'il a cherché Troie, il a cherché les traces du monde homérique et il a situé Troie à Issarlik. Issarlik, oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ces hypothèses? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'emplacement exact de Troie? Ce qui est certain, c'est que ce qu'il a trouvé, c'est l'endroit que les anciens considéraient comme le lieu de Troie, puisque c'est là que se trouve la ville romaine d'Ilion. Par conséquent, c'est la ville où les Romains allaient faire pèlerinage. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. La ville de Priam, C'est la ville que les Romains considéraient comme celle de Priam. Voilà. Mais ce qui est important, encore une fois, et de bien comprendre, c'est que d'une certaine manière, peu importe l'endroit réel de Troie, ce qui compte, c'est qu'il y ait un endroit qu'on identifie comme un pèlerinage, qu'on partage tous et auquel on éprouve le besoin de se rendre. C'est ça qui est important. C'est pas tant l'exactitude historique que le lien que ça crée entre nous de se dire « je vais à Troie, donc je vais à Issarlik ». Catalogue très riche qui accompagne cette exposition, il y a une distinction entre homéromanie et philomérie. Est-ce que c'est juste deux mots qui veulent dire la même chose ou est-ce qu'il y a... Non, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, sauf que les Grecs anciens parlaient d'homérophilie, homérophile ou d'amoureux d'Homère, hein, Erastiste ou Homéreux. Et homéromanie, c'est une formation parfaitement grecque, hein, très conforme, mais c'est une formation moderne. On l'a utilisée ici pour manifester ce phénomène qui n'est pas seulement le phénomène antique. Hein. Il existe une homérophilie qu'on voit juste à côté, qu'on a illustrée avec la situation d'Alexandre le Grand, hein, qui est pour nous un des exemples, en plus qui se prêtait le plus facile à l'illustration, de grand homéromane, hein, de grand homérophile de l'Antiquité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est désigné, hein, par Plutarque. Hein, c'est l'homérophile de l'Antiquité. Il a ici, dans ce tableau que vous voyez ici, d'Hubert Robert, c'est Alexandre qui vient de passer en Asie mineure pour lancer sa conquête de l'Empire perse et qui considère que sa première station, c'est sur le tombeau d'Achille, qu'il fait ouvrir. Il récupère les armes qui sont à l'intérieur et pendant toute sa campagne dans l'Empire perse, il fait porter les armes d'Achille à l'avant-garde pour lui garantir la victoire partout où il se rend. Donc il place son expédition dans la suite de la guerre de Troie de l'époque. Et cette homérophilie, elle s'explique parce que Alexandre était un très grand lecteur d'Homère. Il avait avec lui une édition spéciale de l'Iliade, annotée par Aristote, qu'il avait toujours sur lui, qu'il a gardé pendant toute son expédition, on dit même qu'il dormait avec. Dans une cassette. Il avait une petite boîte et ce sont ces deux images que vous avez ici. Ici, c'est une aquarelle à partir de la fresque de la Croix où on voit les hommes d'Alexandre qui déposent le livre dans le rouleau dans une boîte, dans une cassette. Et ici, la même scène dans une gravure où il dépose dans un coffre. Mais ici, donc, c'est un exemple. Dans le catalogue, on donne d'autres exemples d'hommes et romanes, mais c'est l'exemple le plus accompli de quelqu'un qui a placé toute sa vie sous l'autorité d'Homère, qui pour manger, pour recevoir, pour dans ses rapports avec les gens, pour s'exprimer, pour se battre Homère, aussi. Et pour se battre, c'est exprimer. Donc c'est pour ça qu'ici on traite de Homère comme maître de vie à travers l'exemple d'Alexandre, et puis surtout on rappelle dans cette petite vitrine que Alexandre est probablement un point un peu poussé à l'extrême, encore qu'on en connaît d'autres hein, du même genre, moins célèbre que lui, mais qui procède de toute façon d'un même noyau, c'est que Homère, c'est le maître d'école par excellence dans l'Antiquité, de l'époque classique jusqu'à la fin de l'Empire romain. Tous les petits Grecs annonnent du Homère à longueur de journée, font des dictées à partir d'Homère, font des QCM, font des dissertations sur Homère, on leur demande de faire des croquis à partir d'Homère. Enfin, voilà, c'est vraiment le livre de référence par excellence. Et donc, tous ces jeunes Grecs, quand ils deviennent adultes, ils grandissent avec comme univers mental le monde des héros. Pas seulement des références pour faire des images, mais aussi des références pour vivre. Et c'est ça qui nous a paru intéressant, c'est de rappeler que l'un des moteurs de cette homéromanie, c'est pas seulement la séduction d'une œuvre littéraire, c'est aussi l'attraction d'un modèle héroïque. Et c'est Henri René-Maroux qui disait une chose que je trouve très juste, hein, finalement, l'œuvre d'Homère a généré une imitation du héros, une imitation héroïque, comme le Nouveau Testament a généré une imitation de Jésus-Christ, mais en employant le mot d'imitation dans son sens très particulier, évidemment, de l'univers catholique. Côté du maître de vie, c'est aussi le maître de mort, hein, qu'on a dans ce grand tableau ici qui est assez impressionnant, hein, qui est produit dans le cadre d'une exposition sur Homère pour la première fois. Hein. C'est un tableau qui présente l'incinération du poète Shelley, mort dans un naufrage au début du 19e en Italie, et qui est incinéré sur la plage dans un grand bûcher en présence de Byron et de Thackeray, suivant une pratique du bûcher sur la plage, qui est le bûcher de Patrocle, évidemment, et tous les journalistes qui ont suivi ça ont dit Byron a voulu donner à son ami des funérailles qui soient de type homérique pour mettre son ami au niveau des héros. Byron lui-même, nous le savons par des témoignages de l'époque, quand il participe à la guerre d'indépendance des Grecs, s'habille en héros homérique avec un armement qui ressemble énormément aux héros décrits par Homère. Donc c'est un maître de vie, mais c'est aussi un maître d'héroïsme et de mort qui est Homère, qu'on a voulu montrer ici. Alors juste à côté de ce grand tableau qui montre les funérailles de Shelley sur la plage, brûlée comme Patrocle par son ami Byron, on approche d'une petite section qui s'appelle « Rire avec Homère ». On passe devant un écran sur lequel on voit Nestor à Moulinsart, sur lequel on voit Achille Talon, et surtout à côté, un certain nombre d'images de Daumier, qui sont issues d'un cycle, qu'on pourrait dire, qui s'appelle « Histoire ancienne ». Homère, ça a aussi été, peut-être pas tout au long de l'histoire, mais en tout cas depuis le 19e, un sujet de plaisanterie, un sujet... On peut rire avec Homère. Tout à fait, on a voulu ne pas finir sur une note triste, mais montrer que si on pouvait mourir avec Homère, on pouvait rire aussi avec lui. Et en rappelant par cet écran un certain nombre d'utilisations décalées des noms d'Homère, des références à Homère dans la bande dessinée et dans d'autres, dans la publicité, dans d'autres domaines. Et puis surtout rappeler qu'il y a une veine comique, d'abord dans Homère lui-même, hein, il y a des endroits où dans Homère c'est très drôle. Hein, d'ailleurs on parle d'un rire homérique, hein, donc ça veut bien dire que on pouvait rire, que dans Homère il y a du rire. Mais aussi on pouvait rire avec lui en utilisant son univers et en le décalant par la caricature. Et ça nous a paru intéressant de rappeler à nos contemporains que c'est une veine qui a été très exploitée par un de nos grands dessinateurs caricaturistes, Daumier, hein, qui représente Clytemnestre, qui représente Pénélope endormie sur son métier à Vachy, avec un petit dessin un peu maladroit représentant son mari Ulysse qui est toujours pas rentré et qu'elle attend en s'endormant à son métier. Donc toute une charge de Daumier sur ses sentiments vraiment très convenu, mais on a voulu le juxtaposer avec un vase à figure rouge qui se trouve juste à côté, qui est une mise en scène qui appartient à un genre littéraire très précis dans l'Antiquité, qui est les phliaques, qui est une manière de tourner en parodie des textes sérieux. Et nous savons que la matière homérique a donné lieu à des comédies où on se moquait des héros. Ici, c'est Ulysse, un peu déformé, qui arrive tout à fait à gauche, qui arrive à la cour des Phéaciens et qui est reçu, non pas par le roi des Phéaciens, mais par la femme du roi, qui, d'un geste très autoritaire, prend en charge Ulysse à contre-pied, évidemment, de ce que raconte Homère. Et nous savons, dans l'Antiquité, un certain nombre de comédies avaient comme intérêt de raconter de manière décalée ce que Homère avait raconté de manière sérieuse. Donc déjà au IVe siècle, avant Jésus-Christ, on riait avec les thèmes homériques. Un mot tout de même supplémentaire sur Daumier, puisque ce n'est pas seulement pour rire que Daumier fait ses caricatures, c'est aussi pour dénoncer un certain nombre de choses, certainement les travers bourgeois de la société de son époque, mais peut-être aussi un goût de l'antique. Peut-être que Daumier voulait montrer par là, mais peut-être que je me trompe, Alexandre Farnoux, que... Il y en avait assez de se tourner toujours vers l'Iliade, vers l'Odyssée, et qu'il fallait parler de politique, qu'il fallait parler de choses concrètes aujourd'hui. Chez Daumier, la référence à Homère, elle est évidemment très variée. On a des dessins où il utilise l'intrigue homérique pour tourner en dérision la vie politique contemporaine. Il est certain que dans un ensemble de caricatures aussi, c'est une manière de détourner cette espèce d'homéromanie qui fait que le bourgeois de base se projette dans un univers qu'il fantasme complètement, et donc à la cheville duquel il n'arrive même pas, avec toutes ces représentations de Ménélas et d'Hélène se promenant de manière bedonnant et très bourgeoise sur les ruines de Troie. Donc il y a en effet le désir chez Daumier de tourner aussi en dérision tout simplement le modèle antique. Où cet Ulysse et cette Pénélope dans son lit, on sent qu'Ulysse n'est pas très musclé, qu'il est un peu mou, un peu bedonnant, qu'il dort, tandis que Pénélope a un regard un peu lubrique, une main sous le drap. Tout ça, c'est des charges, mais c'est aussi une tradition assez ancienne, la lubricité pour rire. Mais déjà dans l'Antiquité, vous avez des scènes où les héros homériques sont ityphaliques, ont des sexes énormes et se promènent comme ça dans les scènes. Non, c'est une veine qui existe. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est de montrer que cette veine ne s'arrête pas, que ce que nous avons produit comme image ou produisons encore, ça existe déjà dans l'Antiquité. Et juste derrière nous, si on se retourne, on est devant une vitrine consacrée aux arts décoratifs qui s'inspire des épopées homériques. Et on pourrait presque s'accouder à un guéridon du bouclier d'Achille qui a été offert par le pape à Charles X en 1826. Je crois, qu'est-ce que c'est que ce guéridon du bouclier d'Achille, Alexandre Farnoux? Comment est-ce que les arts décoratifs, un peu plus largement, se sont emparés des thèmes homériques au long de l'histoire, puisqu'on a des objets du 19e, mais aussi des objets beaucoup plus anciens? Oui, on a voulu montrer que l'inspiration homérique ne concerne pas seulement les grands arts, la peinture, la sculpture, mais on a voulu montrer qu'il y a eu aussi, tout au long des siècles, depuis l'Antiquité, le désir d'avoir du Homère chez soi. Alors on en a les attestations dans les textes, puisque quelqu'un comme Vitruve, l'architecte Vitruve, nous dit dans son traité d'architecture, nous dit que un des bons moyens de décorer un grand appartement avec une suite, salon, salle à manger, fumoir, boudoir, etc., c'est de prendre l'Odyssée, puis de découper les scènes et de remplir les murs avec. Donc on a déjà l'idée dans l'Antiquité que l'Iliade et l'Odyssée, ça se découpe assez facilement en panneaux et ça remplit les murs pour faire une décoration intérieure. Cette idée d'une décoration intérieure, c'est celle qu'on retrouve dans Château de Fontainebleau. Château de Fontainebleau, au moment où on redécouvre Homère, a été décoré de tout un cycle réalisé dans le château. C'est les tableaux, certaines copies que nous présentons dans la section Odyssée. Et donc, il y a un lien entre Homère et les arts décoratifs qu'on a voulu réactiver un peu pour en donner un peu la pleine mesure à travers des objets à la fois très humbles et en même temps des objets d'exception. Objets très humbles, c'est les deux vases un peu sombres qu'on a là, qui sont des bols à relief qui datent du 2e siècle avant Jésus-Christ, avec une petite scène moulée qui représente une scène de l'Iliade et l'Odyssée avec les vers d'Homère. Et ce sont des vases à boire dans des banquets. On buvait dans des vases décorés avec du Homère dans l'Antiquité. Et puis des objets d'exception comme ce guéridon qui est une splendeur qui provient de Versailles et qui est un plateau en micro-mosaïque, avec plusieurs milliers de tons de couleurs, et qui est une représentation d'une extrême fidélité du bouclier d'Achille, dont vous vous souvenez qu'il est décrit très longuement par Homère, puisqu'il représente tout le cycle de l'activité humaine, avec l'activité agricole, la guerre, la discussion sur l'agora, les travaux d'hiver, etc., qui est une sorte de récapitulatif et de panorama de la vie idéale des communautés humaines telles qu'elles se représentaient à travers l'épopée homérique. Et ce bouclier, comme Homère le décrit de manière très précise, il a pu être mis en image ici, et on accompagne ce guéridon dans la vitrine avec quelques très beaux vases de Sèvres représentant Homère lui-même, ou des pendules représentant le poète lui-même, ou les adieux d'Hector et d'Andromaque, qui nous permettent de couvrir, ou un papier peint qui représente aussi le buste d'Homère, qui nous permettent de donner un peu la mesure de cet engouement 18e, 19e essentiellement autour d'Homère pour avoir du Homère chez soi. Et là, comme on avait commencé avec les premières représentations d'Homère aveugle avec son bandeau, au 18e, 19e, la tribu qui est toujours là, c'est la lyre. Oui, toujours. Oui, c'est l'instrument qui est celui qui lui permet de réciter et de chanter. Naidete apeleu iado Achilleus Olomenen hemuria caiois algeteke. Pullas diptimus ucas aidi proiapse Heronatos de Heloria teuque cunessi. Il y a une chose que peut-être on oublie parfois, c'est que l'Iliade et l'Odyssée ne racontent pas quelques-unes des scènes les plus célèbres de la mythologie et de ces récits connus de la guerre de Troie. Par exemple, le cheval de Troie, par exemple, l'enlèvement d'Hélène. Ça n'est pas dans l'Iliade, ça n'est pas dans l'Odyssée, c'est dans ce qu'on appelle les poèmes du cycle. On termine par la partie de l'exposition qui est consacrée à ces poèmes du cycle, Alexandre Farnoux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'ils sont? Et puisque cette question de savoir si Homère a écrit ou non les œuvres qu'on lui attribue est centrale quand on pense à ça, est-ce que c'est Homère qui a écrit ces poèmes du cycle? En effet, on a voulu consacrer cette section, puisque quand on a décidé de travailler sur Homère, tout le monde nous a répondu oh, « bah, il y aura le cheval de Troie, il y aura l'enlèvement d'Hélène, il y aura... » Et il a fallu expliquer que bah, non, ça n'y serait pas, en tout cas de droit directement, puisque Homère y fait allusion, mais ce n'est pas lui qui raconte ces épisodes. C'est quand même sur l'affiche de l'exposition. C'est sur l'affiche de l'exposition, parce que c'est le point de référence, mais vous avez noté que c'est un jouet. Donc c'est quelque chose, évidemment, qui est à la fois la référence en tant que monde homérique, mais en même temps transformé en jouet avec cette appropriation que nous souhaitons dans le cadre de cette exposition. Et donc les poèmes du cycle, oui, c'est pour nous à la fois un crève-cœur et en même temps un bon instrument de mesure de ce qu'on a perdu. Les poèmes du cycle, on désigne par, c'est une appellation qu'on emprunte aux anciens, hein, qui désigne l'ensemble des œuvres qui racontaient ce qui se passait avant l'Iliade et qui racontaient ce qui se passait en même temps que l'Odyssée, par le retour de tous les autres, donc après l'Iliade et puis ensuite tous les retours. C'était un très grand nombre de poèmes, du même genre que l'Iliade et l'Odyssée, aussi longs, avec des auteurs variés dont on a les noms, hein, Stésichore et d'autres, on a leur nom. Mais on n'a plus leur œuvre, on ne connaît leurs œuvres que par des résumés d'époque byzantine, de Proclos en particulier, qui nous sont parvenus et dont on sait à peu près de quoi il s'agit. Et donc il y avait un poème sur la jeunesse d'Achille, il y avait un poème sur les retours des héros, etc., etc. Il y avait un poème sur la destruction de Troie, l'Iliou Persis, hein, dans lequel se trouvait l'épisode en particulier du cheval. Donc on a voulu rassembler ici, comme ces thèmes-là ont énormément inspiré l'art occidental, pour une raison qui est simple, c'est que nous, notre transmission de la matière épique, elle se fait à l'époque médiévale, essentiellement par la littérature latine, puisque Homère est du côté de l'Empire byzantin et n'est plus de notre côté, et par conséquent, c'est tous les textes latins, Virgile en premier, mais pas seulement, beaucoup d'autres, hein, des traductions latines qui existent de ces grands poèmes grecs, qui irriguent la littérature médiévale autour de la matière troyenne, et qui fait que cette matière troyenne va rester vivante à l'époque médiévale en Europe, et va faire qu'un certain nombre d'images sont produites autour du cheval de Troie en particulier. Donc on a voulu que ce soit présent pour que le public comprenne que, bien sûr, c'est pas dans Homère, mais d'abord Homère connaît ces épisodes, il y fait allusion, et donc Ulysse fait allusion au cheval, hein, et on fait allusion aussi à l'enlèvement d'Hélène, et donc c'était important que ça y soit, mais en même temps important de marquer que pour prendre la mesure de ce qu'on a perdu. C'est que tout ça, on l'a perdu. Et il faut se dire, c'est un sentiment que je voudrais inspirer, c'est un sentiment de miracle. C'est un miracle qu'on ait l'Iliade et l'Odyssée quand on voit tout ce qu'on a perdu par ailleurs. Il faut se dire que les autres poèmes, on ne peut pas savoir s'ils étaient meilleurs ou pires que l'Iliade et l'Odyssée. En tout cas, c'était la suite de ces récits que nous avons dans l'Iliade et l'Odyssée. Donc, on a réparti dans cette section différents épisodes, cette très grande tapisserie des Gobelins ici, avec le jugement de Paris, à chaque fois en essayant de chercher des images qui sont peu connues, parce que c'est un des problèmes quand on traite de la matière homérique, de la matière épique, de la matière troyenne, surtout sur ces sujets-là, c'est qu'il y a des images qu'on a vues déjà mille fois, il faut sortir des clichés. Donc l'équipe des commissaires a fait un très gros travail pour essayer de sortir, sur des thèmes très connus, le cheval, Hélène, des œuvres qui sont très très peu connues, pour essayer de réactiver un peu ces scènes par des mises en scène un peu différentes. Donc, Jugement de Paris, Enlèvement d'Hélène, évidemment le Laocoon dans son exemple en plâtre provenant de Versailles, et puis toutes les scènes de destruction de Troie avec le cheval de Troie, dans des œuvres qui sont des œuvres qui vont de l'Antiquité au XVIIIe siècle, et nous avons tenu à ce qu'il y ait du cinéma en particulier, et nous projetons ce premier péplum autour de la guerre de Troie de 1911, La Caduta di Troia de Giovanni Pastorone, qui est un des grands metteurs en scène, et ici c'est la version restaurée qui nous a été prêtée et que nous projetons en continu, 33 minutes, qui met en scène le cheval, la destruction dans le cinéma. Ça nous a paru important. Je signale d'ailleurs que nous avons tenu à ce qu'il y ait dans les écrans qui ne sont pas encore actifs un certain nombre de scènes empruntées à des films, mais surtout dans les bancs que vous voyez ici avec des petites trappes, il y a de la musique qui est préparée de façon à accompagner un certain nombre de ces thèmes d'emprunt dans les compositions musicales du monde occidental, en particulier autour des sirènes. On a fait une sélection de grandes œuvres musicales qui met en musique le chant des sirènes depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Pour que la visite soit aussi une visite médicale, il y a un très beau texte dans le catalogue sur ce sujet. Merci Alexandre Farnoux pour cette visite. On avait commencé avec deux citations. Je voudrais peut-être finir avec une autre de René Char. Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. Est-ce que c'est une citation qui illustre un peu ce que vous avez voulu montrer dans cette exposition? Oui, bien sûr. Ce qui est frappant, c'est qu'Homère a suscité des formules et auprès des grands auteurs, René Char, Borges et beaucoup d'autres, des formules lapidaires qui montrent que ces grands auteurs avaient très bien compris le mystère que compose Homère. Et ce sont des citations que nous employons pour permettre justement aux visiteurs de se les approprier, de comprendre ce que René Char a voulu dire. En effet, les grands poètes laissent des traces, et c'est ça qui fait qu'on éprouve sans cesse ce manque, on voudrait plus de certitude, et qui fait que sans cesse on y revient. Merci beaucoup. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse FabriqueFC. FabriqueFC, vous pouvez évidemment vous intéresser à toutes les émissions consacrées aux grandes épopées. Pour ceux qui seraient donc dans le deuil de l'émission consacrée au roi Guézard et au Tibet, eh bien sachez que nous allons très rapidement vous la proposer d'une manière ou d'une autre, puisque nous l'avons supprimée pour parler de l'incendie de Notre-Dame. Demain, eh bien, avec tout France Culture, nous allons réfléchir à la question européenne avec le débat enregistré lors du Forum de France Culture samedi dernier à la Sorbonne.